بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، طيب انتهينا أمس من الفعل المعتاد الأين. طيب، عندك يا محمد مثال لمعتاد الأين والمضارع يكون بالياء؟ بالياء باع يبيع. باع يبيع بالألف. نام ينام. نام ينام. ويكون الواو؟ قال يقول. قال يقول. أحسنت. طيب، كومون دي أونتي؟ كامل. كامل. لسال. سال. لسال. لسال الملح. لونتي؟ عدس. لتران؟ قطار. القطار. طيب، متات. مال دوتات؟ الصداع. الصداع، نعم. الويل؟ الزيت. لبيسي؟ بقال. لا فابور. البخار. او حيث. لو فير مانتير. كذب يكذب. اوكيبي مشغول. فروماج. جوب. لي زو بيض. فروتي فاكهاني. نعم. il convient. ينبغي. Il ne convient pas. La yenbari. La farine. La forêt. Rabat. Petit déjeuner. Rada. Un rada. Et minuit. Montes. Les nams. Bismillah. On a vu le texte. Hein? J'ai une question. T'as trop bien. Pour dans le verbe yabi'u ou mudari'a. Quand il y a antunna tabi'na. En fait, on a effacé l'IA et on a effacé l'IA. Antunna. Antunna tabi'na. Antunna. Antunna. Tabi'na. Antunna la bi'atunna. Bi'a bi'atunna. Ouais. Antunna tabi'na. C'est au yabi'a au mudari'a. Ah, tu veux le mudari'a? Taïb. Antunna tabi'na, ouais. En fait, on a effacé l'IA parce qu'il y a deux. Il se croit. Sakina, c'est bon. Et t'as bien, pareil. C'est la même chose. Parce qu'après, le Ain, il y a un secoun. Salam. Salam. Salam. Bismillah, les frères. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Bismillah, grand 2. On avait lu la leçon. La leçon 28. طيب هذه أمثلة للفعل المعتال اللام. طيب المعتال اللام قد شرحنا، فقلنا بارك الله فيكم الحرف معتال اللام سيكون في أخير معنى فاعلة. طيب on trouvera quoi la lettre défectueuse sous le lam. طيب là on a kawa yakui, c'est à dire le verbe repasser, et là on a deux lettres الوا و الياء. مفهوم؟ Et on verra, Inch'Allah, demain ou après-demain, il a un autre nom. Taïb. Kawa yakui. Masha yamchi, marcher. Jara yajri, le verbe courir. Rama yarmi, lancer. Baka yabki, pleurer. Le fond, ça s'appelle mu'tal al-lam, limada, l'an al-harf al-illa, taht al-lam. Taïb, Inch'Allah, c'est compris? Da'a yad'u. Invoquer. Taïb. Et également, il peut avoir un sens également d'inviter. Mafoum. Da'awatullah. J'ai invoqué Allah. Et si tu vas vers un frère, tu dis Radan anta mad'u. Aou da'awatuka ila al-walima. Ça, c'est inviter. Mafoum, Inch'Allah. Vous avez compris? Taïb. Shaka yashko. Se plaindre. Tala yatlu. Réciter. À pas confondre avec lire. Hein? C'est pour ça que tu vois souvent dans les coffrets mettre tilawa. Al-qari. Mafoum. La récitation. Tala, c'est réciter. Maha yamhu, c'est effacer. Le fond, c'est à partir de là, également, tu fais mimhatun, la gomme. On s'en verra, Inch'Allah, dans le 3 bénil. Afa yafo, pardonner. Taïb. Comme tu as pu le remarquer ici, barakallahu fik, barakallahu fikoum, le mudara, soit c'est le ya qui apparaît, comme kawa, yakui, masha, yamchi. Et dans la deuxième ligne, on avait quoi? Da'a, on dit quoi? Yad'u. C'est pour ça, ça, ce sont des verbes qu'il faut que vous appreniez par cœur. Il faut. Pourquoi il faut apprendre ça par cœur? Car dans le mudhari, dans, quand il sera majzoum, ce sera important. Tu diras par exemple, da'a yad'u, lam yad'u. Là, ça là, t'as lam yad'i. Mais faut mal. Vous avez compris ça? C'est pour ça, apprenez des avec comme salam, rahmatullah. L'importance d'apprendre bien ces verbes par cœur. T'as طيب تأمل الأمثلة ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. Hein, il te dit regarde les exemples attentivement, puis écris le مضارع, le futur المرفوع, والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. On a الماضي بكى. Tout le monde dit المضارع المرفوع يبكي. أصله يبكي. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه المضارع الأصل كيف يكون؟ مرفوع ها وعلامة الرفع ضمة أو ثبوت النون ها سواء سين ضمة أو سواء la présence du نون طيب mais là le fait on prononce pas la ضمة pourquoi c'est ثقيل tu passes زيد par exemple الولد يبكي يو لا يبكي مفهوم pour pas que ça soit lourd sur la langue طيب tout le monde y est là inshallah المضارع المجزوم regardez bien لم يبكي. Qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé la lettre défectueuse, qui est le ya. Et comment on sait que c'est le ya qui a été supprimé? On a un indice. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du kaf? Une kasra. Le fond, inshallah. Le fait qu'il y ait une kasra, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu as supprimé. C'est-à-dire, si demain tu fais l'arabe, tu sauras que c'est un ya que tu as supprimé par la présence du quoi? De la kasra. C'est-à-dire, dans l'arabe, tu diras par exemple lam, harf, nas, harf. جزم نفي وقلب ويبكي في المضارع مجزوم وعلامة الجزم تجرى كوا لا طيب تجي حت الحرف العلة ما هو الياء مفهوم سأدير لو كمان كمان dans l'arab tu diras que يبكي لي c'est un verbe au مضارع مجزوم et on avait dit que علامة الجزم هي العصر la سكون mais comme ça c'est un verbe défectueux tu diras quoi علامة الجزم هذا حذف الحرف العلة qui est quoi? Le ya. Taïb, et c'est quoi l'indice? C'est la présence du, de la kasra. Mais faut madame? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah, les frères? Osman? Taïb? Wabi? Tout le monde a compris? C'est-à-dire là, alamat al-jazm, c'est quoi ici? Le ya, lui dit. C'est quoi? Hada wa. Ah, la alamat al-jazm, c'est quoi? C'est qu'on a supprimé le harf al-illa. Yabki. Pour ça, l'importance d'apprendre quoi? Le mudara. C'est-à-dire, celui qui ne sait pas conjuguer ces verbes-là, al-mu'tal, lam, au mudara, il va se tromper beaucoup. Par exemple, yabki dit yabku. Vous avez compris? Après, il va dire quoi? Lam yabku. Khata. Vous avez compris? Ou da'a, il dira quoi? Yad'i. Il va dire lam yad'i. Khata. Lam yad'u. Vous avez compris? Alors, alamat al-jazm, à la base, c'était quoi? La sukun. Dahaba, on dit quoi? Lam? Lam yadhab. Souvenez-vous. Hein, ici, lam yadhab, tu dis fi'al mudara, da'a, wa alamat al-jazm, al-sukun. T'as pourquoi c'est un fi'al salim, c'est-à-dire il n'a aucun défaut. Maintenant, on est en train de voir quoi? Al-fi'al al-mu'tal lam. C'est-à-dire la dernière lettre, c'est une lettre quoi? Une lettre défectueuse. Quand il est madzoum, ou quand il sera sous la forme de l'impératif, son signe qu'il est soit à l'impératif ou les madzoum, tu vas supprimer la lettre défectueuse. C'est pour ça, dans les arabes, tu diras quoi? فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف الحرف العلة ما هو هذا الحرف الياء مفهوم وكيف عرفتها بارك الله فيك سي avec la présence de la كسرة لم يدعو tu diras quoi فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف الحرف العلة ما هو الواو comment t'as su que c'est un واو il y a une dhamma à la fin c'est compris ça inshallah tout le monde a compris. طيب الحمد لله طيب والامر ابكي ابكي سي لا ميم شوز في الامر طيب والامر يكون مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله لا ميم شوز tout le monde a compris et on fait la même chose avec quoi quand ce sera au pluriel hein الاولاد par exemple انتم تبكون مفهوم ابكوا الى اخره on va le voir inshallah. طيب مشى يمشي لم يمشي امشي كوى يكوي لم يكوي اكوي. طيب ان شاء الله ها si quelqu'un il demande à quelqu'un à son fils de marcher, dit امشي يا ولد هكذا. Il y aura le son de la kasra, امشي. C'est compris ça, inshallah. Ici, par exemple, on avait dit quoi? Que la kasra ne rentrait pas dans un verbe. C'est vrai ou non? Souvenez-vous. On avait dit que la kasra, c'était un signe de quoi? Du ism. Alors, si quelqu'un vous dit là, il y a une kasra, qu'est-ce que vous lui répondez? Abdelhamid? Non, il n'y a pas un prolongement là. Il n'y a pas d'ya. C'est le signe qui a marié. Ouais, mais le mieux, c'est que tu dises quoi? C'est qu'à la base, ce n'est pas la dernière lettre. Vous avez compris ça? Est-ce que yemshi, imshi, est-ce que c'est ça le mot en lui-même? Ou à la base c'était masha, yemshi? T'as compris, non? Ah, d'accord. Là, il n'y a pas de prolongation. La dernière lettre à la base c'est quoi? C'était lia. Mais fomada? Alors si quelqu'un il vous met cette ambiguïté, tu lui dis non. Tu dis ici la kasra, c'est pas la dernière lettre. Pour que tu puisses me dire que là, on s'est contredit. On a dit que la kasra ne rentrait pas dans le verbe. Non, la kasra ne rentre pas dans le verbe, mais là, imshi, le shin, c'est pas la dernière lettre du verbe. C'est masha. Taïb. Jara, on dira quoi? Yajri. Lam. Yajri. Et ici, on a un ordre. Yajri. Ahsant. Rama. Yarmi. Lam yarmi. Ermi. Bana. Yabni. Lam yabni. Ibni. Saqa. Yasqi. Lam yasqi, esqi. Mais faut madame. Tout le monde a compris, inshallah. Entre parenthèses, tuhdafu lam al fi'l al mu'tal lam fi al mudhara' al majzum wa fi al amr. Qui a compris cette phrase? Hein? Tout le monde a compris, inshallah. C'est tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Il vous dit quoi? On supprime lam al fi'l al mu'tal. Vous avez compris là? On écrit là par exemple fa'ala. Tout le monde y est? Fa'ala. Et en dessous, on écrit quoi, par exemple? Masha. Vous avez compris? Masha. Elle est où la dernière lettre, là? Le ya, il est sous quelle lettre? Le lam. Il vous dit quoi? On supprime cette lettre-là, quand est-ce? Au madri? Et quel type de mudhara? Al-Majzoum. Mais faut? Apprenez ça par cœur. Il vous a dit quoi? On supprime la dernière lettre, quand? Au mudhara al-Majzoum. Ça a fait sortir quoi, Mohamed? Al-Marfou, Al-Mudara, Al-Mansou. C'est compris ça? Parce que tu diras quoi? Par exemple, Zaidou, l'anième chia. Quand il sera Mansou, il n'y a pas de mal. La lettre, elle reste et tu peux faire apparaître. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans le 3. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Othman, je vois que tu tournes les pages. Hein? Tu lis un truc? T'es où là? Khair, Inch'Allah. Taïb. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Abdelhamid, c'est compris? Ça veut dire, on supprime la dernière lettre du verbe mu'tal lam quand? Mudara' et quand il est au amr? Al-Majzoum, ahsant. Taïb. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Taïb. Iqra mayali. Bismillah. Bana Ibrahim alayhi salam al-Ka'ba. Non, Bana Ibrahim alayhi salam al-Ka'bata. Je vous laisse lire, hein. Si quelque chose n'est pas compris, vous me dites, je vous traduis, Inch'Allah. A voix haute. Al-Mada Tajri Ya Oulaïd. Non, Al-Mada Tajri Ya Oulaïd. C'est quoi ce type de mot là qu'on vient de voir là? Ya Oulaïd. À la base, on dit Ya Walad. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a Ya? C'est une faute de prof ou c'est quoi? Non, c'est. Salam. Je l'ai compris, mais je ne peux pas t'expliquer. C'est quoi? C'est Moussara. Ah, c'est le diminutif, hein? C'est-à-dire, c'est quoi ici? Le petit enfant. Et là, ce serait dans quel sens, là? C'est quoi la faïda d'avoir utilisé cette forme-là, Abdelhamid? L'affection. L'affection, ahsan. Hein? C'est pas pour le mépriser. Ou également, ce qu'il y a là. C'est l'affection. Yaouled, hein? Le petit. Ahsan. Suivant. Très bien. Très bien. لم يأتي المدير. Dis-nous pourquoi tu as mis une casserole مدير, comme ça on comprend. Vite Mahdi, hein. Parce que c'est un ism. C'est-à-dire tous les ism ils prennent des casseroles. Khaï, regardez par là, Malfitin. Allez, mais dis vite. Comment l'aime? L'aime, ça rentre pas dans un isme. On a bientôt fini le 2 là. Maintenant, vous êtes censé quand est-ce qu'il y a une dama qui apparaît, quand est-ce qu'une fatha apparaît, quand est-ce qu'une kasra apparaît. Tu te souviens pas quand est-ce qu'on met une kasra à un mot? Quand il est mot, c'est-à-dire quand le mot il est mot d'affilé. Taïb, là il est mot d'affilé. C'est quoi le sens d'un mot d'affilé? Le livre de Mohammed. C'est-à-dire quoi ça? Lam yati al mudir al yom. Tu peux traduire cette phrase? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le directeur n'est pas venu. Hein? Voilà. Il est mot d'affilé. C'est qui n'est pas venu? Et c'est quoi alors? Si c'est pas lui qui est venu? C'est un sujet. Taïb. Ici, les fa'al, lam yati al mudir. Révisez bien les frères, hein, le 2. Dites-vous, entre le 2 et le 3, il y a quand même une grande différence. Vous voyez ? Ça, normalement, c'est fini. On ne va pas refaire Mejrour, Mansou, Marfou dans le 3. Vous voyez ? Au suivant. Non, l'imada yabki tiflou, ya amina. Au suivant. Ijri, ya walad. Ijri, prononce un peu l'ia, pour que là, on voit que c'est du féminin. Ouais. Ijri ya walad, on a supprimé quoi? Harf al-ila mawa alia. Ijri yabin, qu'est-ce qu'on a supprimé? Là, on a supprimé le noun. C'est pour ça, les frères, apprenez le mozara par cœur. Ouais. Tu dis à une fille par exemple, anti tajirina. Vous avez compris? Et ça, c'est la règle, c'est les verbes qu'on a étudiés. Anti tadhabina. Si tu dis parc, tu diras quoi? Idhabina. Oh, amr. Oh. Idhabi. Idhabina. Faut les frères. Hatfenoun. Non. Au suivant. Non, ihdina sirata al-mustaqim. Non, la tamshi fi shams. Ya Ahmedou. Le fi ici, c'est quel sens? Maana en dessous, pas dans. Maana dans le shams. Vas-y. Ya Ahmedou. Ikwi hadal qamisou. Il n'y a pas un avant? Suivez bien, les frères. Ya Ahmedou. Il a lu ça, le frère. La tamshi, toi, t'es là. Non, il n'y a pas de mal, vas-y. Akwaita. Là, tu parles à la maman. Akwaiti. Akwaiti. أكويتي القمصانة يا أمي لا لم أكويها أكويها أكويها ساها طيب لم أكويها بعد سيبان يا أحمد اكوي هذا القميص ولا تكوي ذلك فإنه ممزق نعم يا أحمد اكوي طيب هذا القميص ولا تكوي ذلك فإنه ممزق ما معنى ممزق؟ déchiré. طيب. Au suivant. لكم اشتريت هذه الساعة الجميلة يا عبد الله. أنا لم اشتريت اشتري. دوسمان. أنا لم اشتريها. لم اشتريها. إنها هدية من خالي. très bien. لا تشتري هذه السيارة. سيارة. يا أحمد. les frères, à partir du moment où tu parles à quelqu'un. Ça, mettez bien ça dans la tête. À partir du moment où tu donnes un ordre à quelqu'un, le sujet, il est sous-entendu. Me font mada Utrol. Men c'est utrol. Anta. Cool. Men c'est cool. Anta. La techtari. C'est qui doit pas acheter? Vous avez compris ça? Ça peut vous aider beaucoup. À partir du moment où tu donnes un ordre à quelqu'un, le sujet, il est sous-entendu. Cool. Men c'est la dissi à cool. Anta. C'est-à-dire, si derrière, qu'est-ce qui doit arriver? Mef'ul bi wa anjar majrur. Mefoum, andor ila al jabal. Aou koul tufah. Mefoum, hada les frères? Je vous l'ai déjà dit, semble. La tachiri hadihi siyarata ya Ahmed, fa innaha qadimatun jiddan. Très bien. Qala Allah azza wa jal, si surat il fil, ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم نعم avec la droite c'est mieux. Avec la droite. Comment? Hadia c'est un cadeau. نعم. طيب تأمل المثال ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. هنا الماضي دعا يدعو أصله يدعو لم يدعو ادعو. C'est la même chose qu'on vient de faire avec quoi? Avec baka. مفهوم؟ Mais là-bas baka, son مضارع c'était quoi qui apparaissait? Aya. Et là ça va être quoi? Awa. مفهوم؟ دعا يدعو محا يمحو إلى آخر. Tout le monde a compris inshallah? Othman, t'as tout compris? Hein? T'as vu. Chaka, on dirait quoi? Yashku, lam, yashku, ushku. Mais faut madame, inshallah? Tala, même un atala, y'a Sami? Tala, c'est. Sans regarder. Sans regarder. Ouais. Andak, y'a Wahbi? Réciter. T'as vu? Y'a pas de mal. Tala yatlu, on dira quoi? Lam yatlu ou utlu. Maha, on dira yamhou. Même ana maha. Écrasé. Écrasé. Effacé. Effacé. Barakallahu fik. Maha yamhou. Umhou. Afa. Yafu. Ufu. Lam yafu. Ufu. اقرأ ما يلي ها غران 6 تفضل يا محمد وصارت هو ساتوا بس تفضل شكاني زميلي إلى المدرس وأنا شكوته إلى المدير نعم et ça sachez que frère il y a beaucoup de phrases maintenant elles sont intéressantes hein c'est à dire si quelqu'un veut parler l'arabe bismillah il peut parler hein tu prends ça dans un cahier et t'apprends toutes ces phrases là شكاني تعالى الإمام إلى آخر au fond ça c'est un travail personnel. Les phrases, vous les comprenez quand on les lit là? Hein, Ousmane? Tout? Moi, je vous laisse, hein. Sinon, si quelqu'un n'a pas compris, je traduis, Inch'Allah. C'est compris, Abdelhamid? Mohamed? Et. Taïb, Inch'Allah. Bah, lisez alors. Si tu peux hausser le ton. Recommence, recommence. Elle et pas elle. Al-Ula. Tala l'imam surat al-fil fi rak'ati al-Ula wa surat al-ikhlas fi rak'ati al-thaniya. C'est-à-dire réciter. Naam. Utlu surat al-Rahman ya Ali. Là vous voyez la différence entre Iqra et Utlu. Vous avez compris? Réciter. Mais vous, هذا بارك الله فيك. تفضل suivant. Il a invoqué son ami Isa. Majid. Il a invoqué son ami. دعا انا دعوت الله اليوم. Qu'est-ce que ça dit en français? لا معنى دعا دعا دعاء c'est-à-dire quoi دعاء الله يبارك فيك طيب invoquer c'est l'invocation دعوت صديقي صديقي ton ami الى قريتي c'est-à-dire dans mon village طيب là c'est quel sens là là tout à l'heure je voulais traduire deux sens عندك ici invité طيب écrivez-le hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus il a le sens d'invocation et de d'inviter hein et on verra dans le 3 également tu dis مدعو أنت مدعو غدا c'est-à-dire t'es invité اسم مفعول au suivant نعم لم يشكوني المدير إلى أبي suivant là c'est bien عفوتو c'est-à-dire si ici c'est quoi قال المدرس لطالبي عفوت عنك c'est le professeur qui a pardonné à l'élève c'est bien suivant c'est لما تمحو لما لما لماذا تمحو هذه الكلمة؟ يا با لماذا شكرا لما؟ لما تمحو هذه الكلمة؟ هي صحيحة أمحو التي بعدها؟ نعم، لما تمحو هذه الكلمة؟ هي صحيحة أمحو التي بعدها. أي سورة تتلينا أقصي فصل. أي سورة تتلينا يا أم كلثوم؟ أتلو سورة ياسين. نعم، مصيبة. ندعو الله أن يشفيك. نعم، ندعو الله أن يشفيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكوتني إلى المدير. أشكوتني إلى المدير يا حمزة. لا لم أشكوك. نعم، لا لم أشكوك. خمية. قال نوح عليه السلام. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم، ليلا ونهارا. كما جاء في سورة نوح. قال الله تعالى في سورة البقرة: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. قال في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام. قال في سورة القصص: ألا تدعون والله إلا طيب. أسند الأفعال الأتية إلى الغائب ثم المتكلم كما هو موضح في المثال. طيب، لا يتدمن دو كوا دو جواندر كوا لي برونو الغائب سيدير لي بيرسون نون بريزونت و المتكلم سيلي كي parlera. Par exemple tu dis حامدون بكى، هذا الغائب. أمينة بكت، أنا بكيت. مفهوم هذا إن شاء الله؟ حامدون رمى. On fait ensemble, on dirait quoi? Aminatu Ramat. Anna Ramaitu. Me faut? Ça veut dire que le il y a ici, tu dis Ramaitu, pas Ramoitu. Vous avez compris? Alors que si c'était loin, on dirait quoi? Da'autu. Vous avez compris là? Anna Ramaitu. Ou Anna Da'autu. Taïb. Hamidun Ata. Aminatu Atat. Anna Ataitu. Très bien. Hamidun Jara. آمينة جرات وأنا جريت. حامد كوى. آمينة كوات وأنا كويت. أحسنتم. طيب، حامد دعا. آمينة دعت. أنا دعوت. حامد شكا. آمينة شكت وأنا شكوت. طيب، حامد رجا. آمينة رجت وأنا رجوت. حامد تلا. آمينة تلات وأنا تلوت. حامد محا. آمنة محات وأنا محوت. مفهوم؟ من الذي محا هذه الكلمة؟ Il répondra comment؟ أنا محوتها par exemple. مفهوم هذا؟ بكت entre parenthèses vous avez mis quoi؟ بكت أصله بكات. حذفت الأليف بسبب التقاء سكنين. Vous avez compris, Inch'Allah, je pense. Hein. À la base, on a quoi le verbe baka? On a rajouté juste à ta'anith. Alaykoum salam. Ça fait quoi? Deux soukoun. Et on a supprimé quoi? On a dit al-harf al-illa, la lettre défectueuse. C'est pour ça que on a bakat. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Je répète. Hein. Bakat, il dit aslou à la base. Bakat. Hudifat al-alif, qui est juste après le kaf. Et la cause, c'est quoi? C'est qu'il y a eu deux secounes qui se sont rencontrées. Taïb. Ajib anil as'ila al-atiya bin nafi musta'milan lam. Abaka tiflo. Tu diras? Lam yabki. Mais foum. Akawait al-khamis. Lam akawait. Lam akawait. Taïb. Ashakaka. Naam. Al-mudarris ou al-mudir. لم يشكوني. طيب. أدعوت زميلك إلى البيت. لم أدعوه. très bien. أبنيت بيت جديدا. لم أبني. نعم. أمحوت اسمي من دفترك. لم. رياض بيان سين واو. ما حا يمحو. لم أم أمحو. طيب. أأتى المدير؟ لم يأتي. أرميت القمامة في مكانها؟ Très bien. Lam armiha. Araïta aliyan filfas. Lam ara. طيب ادخل لا ناهيه على الفعل الذي بين القوسين امام كل جمله ثم اكمل به الجمله لا ناهيه entre parenthèses tu as le verbe et tu mets juste la nahia. Bismillah, vas-y, suivant. Ahmed, t'as compris la leçon de tout? Hein? T'es sûr, hein? Ah ouais, je t'entends. Regarde bien. La tashkuni ila al mudir ya ustad. Suivant. Ouais, Abi. C'est simple. S'il faut mettre la nahia dans les verbes qui entre parenthèses. Et la nahia, vous êtes censé savoir ce qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait quoi comme travail à la base? Hein? Randama. Mezoum. Naam. Je crois qu'il y en a, ils vont redoubler, Allah alam. Hein? Vas-y. Pas l'am, la nahia. La tabni. Pourquoi le masjidi? La tabni le masjida fi hadha shari'i. Au suivant. La tabki ya walad. Très bien. La tatoui hadi le warakat ya akhi. Ma ma'na la tatoui? Plie pas. Ne plie pas, très bien. La tatoui hadi le warakata ya akhi. Au suivant. La tajri fi shari'i. Fi shari'i. Shari'i ya walad. لا تمحي هذه الكلمة يا أحمد. لا تدعو مع الله إلها آخر. Très bien. لا تمشي في الشمس يا محمد. Très bien. On va s'arrêter là, Taïf. Comme ça, vous révisez bien ça. Et le reste après. Lisez le texte, hein, comme ça on le. Lire le texte. Hein. Ça, c'est pas difficile, non? Hein? Décalé?